paradis des amoureux pacifico, paradis des cœurs heureux. Là, chaque nuit, chaque jour, pacifico, c'est la fête de l'amour. Pacifico, dans tes îles d'or, on s'embrasse. Pacifico, et quand tu s'endors, on s'enlace. Dans tes ports pleins de couleurs, pacifico, viens débarquer le bonheur. Pas de billets de retour, pacifico, c'est la fête de l'amour. Sur un lit fait de bambou, c'est bon d'aimer dans les îles Samoa. La personne n'est jaloux car il y a le choix. Paradis des amoureux, pacifico, paradis des cœurs heureux. Là, chaque nuit, chaque jour, pacifico, c'est la fête de l'amour. Pacifico, les îles d'or, on s'embrasse. Pacifico, et quand on s'endort, on s'enlace. La nuit bleue de l'océan, pacifico, fait rêver bien des amants. Le désir monte à l'entour, pacifico, c'est la fête de l'amour. Quand le temps n'est pas trop chaud, on fait partout la cueillette du copra. On boit du lait de coco, c'est bon pour la voix. À l'ombre des cocotiers, pacifico, en dormant se balancer. Oui, chaque nuit, chaque jour, pacifico, c'est la fête de l'amour. Pacifico, c'est la vie rêvée. Pacifico, île du péché.